Et nous, on a compris tout ça, la camionnette, Hosanna, ma belle pied, mon père, Hosanna, Hosanna, et vous êtes en couple avec un petit comme ça. Ouais, les chansons de l'école primaire. Papa, mes couilles.